Yeah, cracheur de venin. Trop de blablabla bla quand le beat déboule. Bra, j'ai la rime mahboule, papa. J'ai la rime et la beuh, bon que tu n'as pas. Bra, je viens tout droit de l'ombre, quoi. Tu te la racontes, mais tu n'es rien pour moi. Ni les pompeurs, les bouffons ne feront le poids. Bois, mes paroles les succombent pour la première fois. Compte-moi du nombre des laissés sans voix. Ceux qui sont délaissés en bas, crois, vois que je compte. Tout baiser d'un peu rare. Et si je me trompe à la papa, je ne veux pas suivre le pas. Non, je ne peux pas. Parce que je suis cracheur de venin, tu vois. L'homme et le félin, la foi de ceux qui n'ont rien. À ceux qui ont faim, à ceux qui vivent sur le terrain, qui survivent de rien. À ceux qui font quelque chose de bien. Mec, l'avenir est le tien, si tu en profites, quand on fait vite avant la fin. Car on ne tient pas notre destin. Frère, toutes les choses sont écrites, et puis demain, restera bien trop gris pour je crache plus mon venin. Yeah. J'ai la notion de cul, mais ça ne m'a pas enlevé la notion du plaisir. La ferme attention de saisir le mic sur des gros sons qui tuent. Pour la mic qui se prostitue, c'est que des grosses bidures. Tu fais pas bonne figure, le perche derrière la bonne figure. Aïe, c'est trois albums pour trois bonhommes qui durent. Le fond, la forme, au fond, t'as tort de venir ouvrir ton cul. Ne viens pas contester mon dieu, mais l'instru, je la tord. Puis au soleil, je me dors la pilule. On perd pas les bonnes habitudes, il fallait que je récapitule. On fait pas des fausses attitudes. Mon pote, j'ai trop tes squats, bitume, c'est mort, j'ai trop la dalle des tues. J'en veux encore ma banlieue nord, c'est une poudrière prête à exploser. J'ai le cerveau qui fume, t'entends le front qui sue. Valtringue MC, pour moi t'es qu'une petite nympho qui s'use. Un flow qui s'use, un show je diffuse. Un rap spontané, juste un petit instantané. J'avance pareil, c'est carré si tu penses pareil. Ma comment oui si les gens t'enterrent. Sans même avoir eu le temps de sentir que t'es austère, ici la vie t'apprend qu'à t'en sortir. Je goûte même plus tous les ennuis que chaque jour on s'attire, un qu'on sature. Et quand ça se corse, pour tout rien que ça tire. La vie c'est dur, alors à l'aide du shit ça s'adoucit. J'ai beau être sûr de moi, mais j'ai toujours autant de soucis et tant de suceurs. Voudrait nous mettre le pied à l'étrier. J'suis cracheur de venin dans un système vénal qui veut me piller. Puyon, c'est pas pour une cause perdue. Poto, mais qu'espères-tu? Ici leur vie se transforme en vertu. Cracheur de haine, j'accentue ma douleur. C'est pas la tombe, là, jamais l'oseille ne tombe à l'heure. Et c'est tout pas lourd, s'autoproclamer en tant que rimeur. D'autant plus que ce n'est plus une rumeur, que la rimeur milite pour un hip-hop anti-pourri. Et t'en as peut-être le flow, mais pas besoin de la jouer qu'un riz. Moi je m'en tape d'être à la mode et de rentrer dans ton moule. D'avoir l'émeraude sur l'oreille et puis faire bouger ton boule. Ne m'appelle pas à la relève, ça fait 10 ans que je me débrouille. Entre la paranoïa et ces petites devs qui me découlent, je me démerde sans major, car je suis toujours à jour. En indé, en attendant mon heure, le mois et le jour où mon saut c'est moi, on sera paré pour tout niquer. Je donnerai pas mes deux jours ni mon boule pour percer. Refrain, tu sais que c'est le rap de la niaque, c'est le rap de la dalle, c'est le rap de la rage. Au cœur, on a la rage, ok, c'est toujours pareil, y'a rien à rajouter.